بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الحمد لله للونج إتى الله سبحانه وتعالى qui nous permet de nous réunir dans un cercle de science afin d'étudier notre religion. Et ceci est un bienfait immense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Méditez, mes chers frères et mes chères sœurs, au nombre d'habitants aujourd'hui de cette planète, combien de personnes ignorent leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala, mécroient Allah subhanahu wa ta'ala, ne l'adorent pas, ne se prosternent pas devant lui, ne se courbent pas devant le Seigneur et Maître des univers. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette immense majorité égarée, a sélectionné certains individus. Et parmi ceux-là, nous-mêmes, walillahil hamd. Et nous a mis dans la religion du haqq al-islam. Inna ad-dina 'inda Allah al-islam. La religion auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est l'islam. وقال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Et celui qui adopte une autre religion que l'islam, ceci ne sera pas accepté de sa part et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc médite mon frère, ma sœur, sur ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Les gens se vantent des sommes d'argent qu'ils possèdent, de la belle voiture qu'ils conduisent, des vêtements qu'ils portent. Toi, éprouve de la fierté de la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée. En dehors de cette religion, il n'y a que l'égarement, la mécréance, et pour devenir le feu éternel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, prenons conscience de ce bienfait. C'est le plus grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse donner à son serviteur, sa religion. Cette religion, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une religion universelle. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme miséricorde pour les mondes. Cette religion, donc, est transversale à toutes les époques, à tous les lieux. Et c'est une religion qui répond aux besoins de l'humanité, quel que soit l'endroit géographique et quelle que soit l'époque. Cette religion, par la flexibilité qu'elle comporte, par ses textes qui comportent des fondements qui sont irréversibles, qui sont inébranlables, mais aussi par ses textes qui comportent une certaine largesse et qui permettent ce qu'on appelle al-ijtihad, l'effort du savant pour atteindre la vérité, permettent de répondre à tout ce qu'on appelle en arabe al-nawazil, tous les nouveaux événements, toutes les nouvelles problématiques qui se posent à cette communauté et qui n'existaient pas au temps du prophète alayhi salatu wassalam trouvent réponse dans le Coran. Car c'est le dîn d'Allah, dînul haqq, c'est la religion de la vérité. C'est le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah n'a pas choisi pour l'humanité et comme religion jusqu'à la fin des temps une religion qui ne s'adapte pas. Bien au contraire, c'est une religion qui est valable, quelle que soit l'époque et quel que soit l'endroit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait de nous des ibad, des serviteurs de lui-même subhanahu wa ta'ala. Et ceci est la plus grande, l'une des plus grandes rahmas qu'il puisse faire à ses créatures, de les choisir et de les mettre sur le droit chemin. Et c'est ce que nous demandons tous les jours, 17 fois par jour minimum, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ. Guide-nous sur le droit chemin. Car tu ne peux cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est par lui, avec lui, par son aide, par son assistance. D'où l'expression اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. C'est seulement toi que nous adorons et c'est seulement auprès de toi que nous demandons secours. Car tu ne peux adorer Allah subhanahu wa ta'ala que par son assistance, son aide divine subhanahu wa ta'ala. Donc cette religion-là, comme nous avons dit, c'est une religion qui est complète, qui n'a pas besoin d'ajout, qui n'a pas besoin d'aller piocher dans d'autres idéologies, dans d'autres systèmes, mais qui est au contraire le seul système, les seules lois, la seule sharia, qui donnera à l'humanité son bonheur dans ce bas monde et dans l'autre. Et tout autre système que celui des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si en apparence il semble être un système donnant à l'humanité une certaine apogée, une certaine force, puissance économique, sociale, affective, autre, en réalité est un système qui va amener à la décadence et qui va amener l'humanité dans le chaos, la catastrophe, dans ce bas monde et le châtiment éternel dans l'autre monde. Donc le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala est complet, je le répète. Et je rappelle le hadith de Jibril rapporté par Omar radiallahu anhu, dans lequel il dit « Baynama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam idh tala'a alayna rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sha'ar la ya'arifuhu minna ahad ولا يرى عليه أثر السفر فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال أخبرني عن الإسلام فأجابه عليه الصلاة والسلام ثم قال أخبرني عن الإيمان فأجابه عليه الصلاة والسلام بالأركان الستة المعروفة ثم قال أخبرني عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Donc dans le hadith de Jibril, il a akhir le hadith. Dans le hadith de Jibril alayhi salam, selon Omar radiallahu an, alors que nous étions assis auprès du prophète alayhi salatu wa salam, pénétra un homme qui était vêtu d'habits très blancs et dont les cheveux étaient très noirs. Et personne d'entre nous le connaissait, et les traces du voyage n'étaient pas visibles sur lui. Et il s'assit auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, colla ses genoux contre les siens et posa ses mains sur ses cuisses et dit, « Ô messager d'Allah, informe-moi, ô Muhammad, informe-moi au sujet de l'islam. » Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui cita les cinq piliers connus. Il lui dit ensuite, donc je résume le hadith, « Informe-moi au sujet de la foi. » Il lui cita donc, le prophète alayhi salatu wassalam lui cita les six piliers de la foi et lui dit ensuite, informe-moi au sujet de l'ihsan, entre guillemets l'excellence. Il lui dit, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Et le hadith continue. Donc ce hadith là donc nous indique les trois degrés de notre religion, car à la fin du hadith, que dit le prophète alayhi salatu wassalam à Omar? Il dit, « Ya Omar, atadri mani sa'il ?»« Ô Omar, sais-tu qui est le questionneur ?» Il répondit, radiallahu an. Omar répondit, « Allah wa rasuluhu a'lam. » Allah et le messager sont plus savants. Et le prophète sallallahu alayhi wassalam lui dit, « Fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. » C'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. De cela, nous tirons que l'islam, l'iman, l'ihsan sont donc les trois degrés composant notre religion. Fal-ihsan, comme l'a montré le prophète alayhi salatu wassalam, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si nous le voyions, et si on ne le voit pas, qu'on sache que lui nous voit. Et ce degré-là, atteindre ce degré-là, travailler ce degré-là, c'est pris en charge par une science qui s'appelle al-tazkiyah, la purification. L'islam, dans ses cinq piliers, pris en charge par al-fiqh, et al-iman par ulum al-aqidah, par les sciences de l'aqidah. Et afin que, inshallah, nous atteignions, bi-iznillah, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que nous réussissions, il est important pour le musulman et la musulmane de prendre en considération tous les domaines de la religion. Et al-ghulou, l'exagération, contre laquelle le prophète alayhi salatu wassalam a mis en garde dans le hadith, iyyakum al-ghulou fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulou. Attention à l'exagération, qui est l'outrepassement de la limite, Attention à l'exagération, car ceux qui vous ont précédés ont été terrassés, détruits par donc Al-Ghulu, qui est le dépassement des limites imposées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Al-Ghulu souvent prend naissance lorsqu'il y a spécialisation, exagération d'un domaine et délaissement d'un autre. Car le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala est venu donc pour amener cet être humain au plus haut degré de piété, à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ce dîn prend en considération les trois composantes de l'humain, qui sont donc ar-ruh, l'âme, al-aql, la raison, et al-jism, le corps. Et ar-ruh, l'âme a besoin d'un équilibre. Et cet équilibre ne peut être atteint que par la pratique du dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a pratiqué le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Al-aql aussi a besoin, la raison, d'un équilibre et d'une protection qui ne peut être atteinte que par la préservation des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et le délaissement des interdits d'Allah azza wa jalla et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le corps aussi a besoin, pour pouvoir donc s'épanouir et être protégé, du dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, donc par leurs ordres et interdits, ont visé ces trois composantes, qui sont le corps, qui sont la raison, et aussi ar-ruh. Et al-aql et ar-ruh, notamment al-aql, prend placement dans le cœur. Wallahu a'lam, chez beaucoup de savants, même s'il y a une divergence à ce niveau-là. Mais ce dont on est sûr, c'est que le corps est commandé par le cœur. Le cœur est l'équivalent du roi dans un pays. Le cœur, par rapport au reste des organes, est l'équivalent du roi dans son royaume. Et ce cœur-là, s'il est corrigé, le corps est corrigé. Et s'il est perverti, le corps est perverti. Donc l'arrangement de l'extérieur, des actes, car Allah subhanahu wa ta'ala donc a ordonné et interdit au corps, il a ordonné à la main et interdit à la main, a ordonné à l'œil, interdit à l'œil, a ordonné à la bouche, interdit à la bouche, etc. Pouvoir, bi'iznillahi azza wa jal, corriger cet aspect extérieur n'est possible que s'il y a correction intérieure. Et ça, c'est un domaine que les pieux prédécesseurs et les savants rabbaniyin prenaient très au sérieux. Et l'imam Ibn al-Qayyim a des belles paroles à ce niveau-là, dans lesquelles je donne le sens de ces paroles. Il dit que les actes du corps prennent naissance dans les actes du cœur. Car le cœur, lui aussi, a des actes qui sont l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tawakkul, s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a aussi des actes qui sont interdits, comme al-hasad, la jalousie, al-hiqd, la haine, la méprise, la haine, pas la haine shar'iya, pas le bourd, al-hiqd, l'ihtiqar, mépriser, al-ghurur, l'illusion, al-ujb, l'auto-admiration. Toutes ces choses-là qui proviennent du cœur et qui vont avoir un impact sur le corps sont des choses qui sont interdites et qui ont pour source le cœur. Donc Ibn al-Qayyim dit que le corps, rahmatullah alayh, dit que les actes du corps ont pour source les actes du cœur. Il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Et il dit donc que celui qui médite sur la sharia d'Allah azza wa jalla, il dit comme ça, celui qui médite sur la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala, va voir rapidement que l'objet de sa préoccupation doit être au niveau des actes du cœur. Ça, c'est une notion qui est importante. La correction du cœur, la correction des maladies du cœur, développer les qualités du cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande par son serviteur, c'est quelque chose que l'on voit, qui est négligé aujourd'hui. qui est négligé. Et ceci pour plusieurs raisons, Wallahu a'lam. Une première, c'est que c'est un travail de longue haleine d'abord. La correction de son âme, c'est quelque chose qui demande de manière principale deux ingrédients. Le premier, as-sidq. Le deuxième, al-mujahada. Le premier, as-sidq. Le deuxième, al-mujahada. As-sidq, qui est la véracité. La vérité, as-sidq comporte al-mujahada. Car qu'est-ce qu'as-sidq dans ce contexte-là? Le sidq est encore plus restreint que al-ikhlas. Et nous allons étudier l'ikhlas. L'ikhlas, c'est la sincérité. Quelqu'un, il dit, j'ai des défauts, j'ai de l'orgueil, j'ai de la vanité, j'ai de l'illusion, de l'auto-admiration, etc. Et avec sincérité, bi-idhnillah, avec sincérité, il va rechercher Allah pour se corriger. Donc il va mettre en place dans son cœur une intention sincère de se corriger. Mais as-sadiq, le véridique, c'est celui qui va mettre en place le chemin pour atteindre cela. Donc al-ikhlas, il est en lien avec la niya, c'est tout. As-sidq, c'est al-ikhlas plus la prise du chemin, la mise en route vers l'objectif mis en place. Donc tout sadiq est mukhlis, mais pas tout mukhlis est sadiq. Tout véridique est sincère, mais pas tout sincère est véridique. Donc as-sidq, c'est un degré plus élevé que al-ikhlas. Donc en réalité, il intègre, la notion de sidq intègre la, ce que j'avais dit, le deuxième ingrédient pour pouvoir atteindre la correction, qui est al-mujahada, l'effort. Car ces choses que l'on va étudier, donc autour de Islah al-Nafs, ne sont pas des choses qu'il faut comprendre. Il faut comprendre avec le cerveau. Donc d'où un point qui est important que je dis, pas par modestie, mais par réelle, par clairvoyance de qui je suis et ce que je suis, que ce sont des cours en réalité où j'apprends avec vous. Ce ne sont pas des enseignements. Parce qu'en réalité, ce sont des cours, les paroles que l'on va entendre, les notions que l'on va aborder, que ce soit en verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, hadith du prophète alayhi salatu wa salam, de paroles de salaf, de pieux, ce sont des choses qu'Allah nous fasse miséricorde. Et chacun connaît sa propre personne. Chacun est clairvoyant de ses défauts. Et ce sont des choses qui s'atteignent sur un travail de longue haleine en années. Ce ne sont pas des choses qui s'atteignent en 3 mois ou 6 mois. Et ce sont des choses que l'on peut comprendre de manière technique au niveau du cerveau, mais qui ne sont pas encore devenus un khuluq, qui ne sont pas encore devenus un comportement. Et pour qu'une compréhension acquise dans le cerveau en critères, la définition de l'illusion, qu'est-ce qui est illusion, qu'est-ce qui n'est pas illusion, qu'est-ce que la jalousie, qu'est-ce qui n'est pas jalousie, qu'est-ce qui est amour d'Allah, qu'est-ce qui n'est pas amour d'Allah, qu'est-ce que, etc. Ces choses-là ne peuvent devenir un khuluq, un comportement, un caractère que s'il y a un travail long. Et Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir vu son serviteur travailler de manière constante, donc sincère, sincère dans le sens du sidq, non pas que du ikhlas, le ikhlas, mais en plus avec la prise du chemin, il s'est mis en route sincèrement, ça va devenir un khuluq dans sa vie. Et le prophète alayhi salatu wassalam, comme a dit Aisha radiyallahu anha, son comportement était le Coran. Donc ce sont devenus des traits caractériels, naturels. Comme je respire, je suis patient. Comme je respire, je suis doux. Comme je respire, j'ai une bonne pensée envers les gens. Comme je respire, je suis quelqu'un qui s'en remet à Allah. Comme je respire, je suis quelqu'un qui n'a pas d'illusion. La compréhension simple de ces choses-là en termes de définition aide, mais n'est pas suffisante. Qu'est-ce qui va faire que tu vas un jour perdre de ton cœur de mépriser des gens, par exemple? Parfois, tu vois des gens, tu les méprises. À sa tête, tu le méprises. À sa tenue vestimentaire. Tu te crois meilleur que lui, plus intelligent, plus fort, plus pieux. Parfois, tu n'arrives même pas à voir quelqu'un en dessous de toi. tellement tu as un niveau d'arrogance. Ou bien tu te crois intelligent, ou etc. Comment un jour, cette chose va disparaître de ton caractère? C'est pas par ton fahm. Tu as compris, page 97, troisième paragraphe, la définition du ujb. C'est pas ça. C'est que par, Inch'Allah, comme on va le voir, c'est par ton effort, ta sincérité, le fait de te briser devant Allah, de reconnaître ton défaut, de prendre le chemin avec sincérité, de te corriger. Un jour, quand Allah voudra, t'enlèvera ça. Et te l'enlèvera. Ça en termes de défaut. Et en termes de qualité. Quand est-ce que tu obtiendras le Qiyam al-Lil, le jeûne 13, 14, 15, lundi, jeudi? Quand est-ce que tu auras l'obéissance aux parents totale et absolue, si ce n'est dans la désobéissance d'Allah, un amour de la sunna sans takalluf? Obéir au prophète, alayhi salatu wassalam, à Allah, azza wa jal, sans aucun désagrément. Par amour. Tu ne supportes plus de ne pas avoir les ablutions. Le mustahab pour toi devient obligatoire. Pas en termes de aqidah, mais dans ton quotidien. Tu t'imposes ça. Le siwak, être au premier rang, se lever la nuit. Quand est-ce que ça deviendra quelque chose que lorsque tu ne l'as pas dans ta vie ou juste à un moment tu l'as raté, tu es déséquilibré. Tu te sens mal comme quelqu'un qui a raté son repas ou autre. C'est lorsque Allah te le donnera. Ce ne sera pas par compréhension. Tel hadith, il est sahih, non. Bien, c'est le i'rab, l'explication grammaticale du hadith, ou son rapporteur, ou, non. Ça va t'aider. Mais c'est quand tu vas vraiment, vraiment travailler pour Allah, qu'Allah nous fasse miséricorde, Inch'Allah. Donc, ce que nous allons, bi'iznillah, traiter, Inch'Allah, dans ces quelques cours, Inch'Allah, ça va être donc cette notion de tazkiyah, de purification de l'âme, du cœur. Et cette notion est importante, nous avons dit qu'elle est négligée donc dans ce temps et cet espace. Pourquoi d'abord dans cette époque? Parce qu'on est dans une époque, et même dans le lieu, on peut dire réunir les deux, dans une époque de l'apparent. Et dans une époque où l'humanité a atteint un certain niveau technologique, a inventé de belles choses, et ce sont des choses matérielles. Ce sont des choses matériel. Donc la notoriété d'une personne, son épanouissement, sa valeur sociale va passer aussi maintenant par le matériel. Et ça, c'est quelque chose de visible. Donc c'est visible dans le monde qui nous entoure. Celui qui possède des choses, possède du matériel, des choses matérielles, et souvent chez le commun des gens, chez les mécréants quasiment de manière majoritaire, et même hélas chez les musulmans, quelqu'un ayant une valeur, quelqu'un ayant des beaux vêtements, quelqu'un ayant une belle voiture, quelqu'un ayant une belle maison, ceci, ce sont des critères d'épanouissement, et les gens se vantent d'avoir ça. Les gens aujourd'hui éprouvent de la fierté de dire qu'ils ont une maison dans la campagne, devant une personne qui est en HLM ou autre. Ils éprouvent un certain plaisir à voir qu'ils sont beaucoup mieux habillés que d'autres, qu'ils ont beaucoup d'argent, etc. Donc ce matériel-là, il est clair et palpable. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, a montré que ce mizan, cette balance-là, est une balance fausse. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, une fois, un homme est passé, un beau cavalier, bien habillé, est passé devant le prophète alayhi salatu wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam éduquait les compagnons par l'analyse du présent et leur a dit: que pensez-vous de cet homme là le hadith est dans Riyad Salihin, vous le trouvez, il est authentique. Ils ont dit radiyallahu anhum, donc c'est un homme d'une certaine notoriété. Si jamais il demande en mariage une femme, on lui donne, et s'il veut intercéder, son intercession est acceptée. Puis un pauvre est passé après lui, avec des vêtements modestes. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, a dit: que pensez-vous de celui-là? Il a dit: c'est quelqu'un, s'il demande en mariage, on ne lui donne pas la femme, et si jamais il intercède, son intercession n'est pas acceptée. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, de par, Allah a'lam, sûrement Allah lui a montré cela, où il connaissait deux personnes, de par la piété, donc at-taqwa, qui est le mizan auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit: inna akramakum indallahi atqakum. Verset simple, court, mais à méditer, mes chers frères et sœurs. Le plus honorable d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux, celui ayant le plus de taqwa. Alors le prophète alayhi salat wa salam a appliqué ce verset ici pour montrer aux compagnons radiyallahu anhum l'état de ces deux personnes. Il leur a montré qu'ils se sont trompés. En apparence, il leur a dit que la terre remplie, que le deuxième est meilleur que la terre remplie du premier. Celui-là que vous avez sous-estimé, qui paraît en apparence modeste, en réalité, un seul comme celui-là vaut mieux que toute la planète remplie du premier. Et aujourd'hui aussi, les musulmans ont besoin de cela. Et les musulmanes. Car de manière indirecte, même sans s'en rendre compte, nous sommes touchés par l'époque où l'on vit et l'endroit. Donc on voit une projection des musulmans et des musulmanes, hein, de leur religion à travers ce misaine, à travers cette balance-là. Et donc, on va juger la piété de quelqu'un, hein, par rapport à des notions extérieures, même si elles peuvent refléter cela. Mais elles ne sont pas tranchantes par rapport à cela. Et même la personne va vivre son évolution du dîn par rapport à l'extérieur. Et il va y avoir un délaissement de l'intérieur, et il va y avoir une demande de compte à soi-même par rapport à l'extérieur et pas par rapport à l'intérieur. Donc on va avoir des objectifs qui vont être extérieurs, comme mettre le qamis, faire pousser la barbe par exemple. Pour les sœurs, parfois c'est comment, inshallah, je vais bientôt mettre le jilbab. Hein, des choses qui sont très bien et qui sont même d'ailleurs des obligations. Le jilbab est une obligation. Le simple hijab descendant jusqu'au cou n'est pas suffisant. Le hijab en islam, nous en avons parlé déjà dans certains durous, c'est un vêtement qui répond à 8 critères. Le premier, c'est qu'il doit couvrir tout le corps. Du haut de la tête, il tombe sur tout le reste du corps. Puis il y a la divergence sur le visage et les deux mains. Mais le hijab doit répondre à cette condition-là. Donc ce n'est pas pour sous-estimer cela, ou bien la barbe aussi. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut que j'ai dans mon projet. Mais est-ce que la purification de mon cœur, l'acquisition des bons comportements et me débarrasser des défauts fait partie de ma feuille de route? Est-ce que c'est présent? Et ça, si l'on médite, chacun se juge soi-même. On verra avec sincérité, Allah a'alam, que nous avons des manques à ce niveau-là. Alors que, comme dit Ibn al-Qayyim, je reviens à sa parole, que les actes du cœur ont des récompenses bien plus immenses que les actes du corps. Parce que les actes du cœur, de manière indépendante, ce sont déjà des choses qui sont d'un très haut degré dans le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces actes du cœur vont donner lieu à des actes du corps. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala va être traduit par des choses. L'amour du prophète alayhi salatu wasalam va être traduit par des choses. Et ces actes-là, c'est parce qu'ils prennent source dans les actes du cœur qu'ils vont être acceptés. Les munafiqoun, les hypocrites au temps du prophète alayhi salatu wasalam, avaient la prière. Ils priaient. Allah subhanahu wa ta'ala dit: innal munafiqina يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس لا يذكرون الله إلا قليلا. Les hypocrites veulent trahir Allah, trahissent Allah, et Allah les trahit, les trompe. Ils veulent tromper Allah, pardon, et Allah les trompe. Et lorsqu'ils se lèvent à la prière, ils se lèvent avec paresse, en étant ostentatoire par rapport aux gens et n'évoquant Allah que très peu. Donc ils évoquent Allah et prient. Mais ces actes, ne prenant pas source dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa crainte, sont des actes qui ne valent rien, ne sont pas acceptés. Donc les actes du cœur sont extrêmement importants. Ce sont des actes qui sont extrêmement importants. Et observez cette prostituée qui est passée devant un chien qui mangeait la terre tellement il avait soif. Et à ce moment-là, dans son cœur, qu'est-ce qu'elle a eu? Un acte, un sentiment qui est ar-rahma. Et cette rahma-là s'est traduit en acte. Ce n'est pas une rahma et je passe devant lui. et je le laisse. Non, c'est une rahma qui ne l'a pas laissé supporter cette situation-là. Alors elle a enlevé un chausson qu'elle avait, elle est descendue dans le puits, elle a rempli son chausson et a donné à boire à ce chien-là. فَشَكَرَ اللَّهُ لَهَا Allah l'a remercié, فَغَفَرَ لَهَا et lui a pardonné ses péchés. C'était une zaniya dans les grands péchés, de jour comme de nuit, dans la fornication. Et Allah lui a pardonné de par cet acte du cœur qui ensuite a donné naissance à l'acte du corps. Donc, اعمال القلوب, c'est quelque chose à prendre très au sérieux. Et un des hadiths, donc, de base fondamentaux par rapport à ce sujet-là, c'est le hadith de An-Nu'man ibn Bashir, radiallahu anhuma, dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, Inna al-halal bayyin. Le licite, le halal, est évident. Wa inna al-haram bayyin. Et le haram est évident. Wa baynahuma umurun mushtabihat. Et entre eux, il y a des choses équivoques. Est-ce que c'est vraiment dans le halal? Ce n'est pas clair. Est-ce que c'est vraiment dans le haram? Ce n'est pas clair. Il y a un mélange des deux. فَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْدِهِ Celui qui a délaissé les choubouhettes a certes protégé, innocenté sa religion et sa réputation. كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ Tout comme le berger qui fait paître son troupeau proche du domaine, d'un domaine privé, d'une propriété. Et il n'est pas loin de voir ses moutons aller dans ce domaine privé. أَلَا إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى N'est-ce pas que tout roi a son domaine privé, sa propriété? أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ N'est-ce pas que le domaine d'Allah sont ses interdits? Puis le prophète, alayhi salatu wassalam, ici, donc va donner à cette umma-là l'endroit sur lequel l'effort doit être concentré pour pouvoir, incha'Allah, ne pas tomber dans les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Ala inna fil jasadi mudra. N'est-ce pas que dans le corps, il y a un morceau de chair? Idha salahat, ou bien salahat, les deux sont bons. Idha salahat, salaha al jasadu kullu. Si elle est bonne, si ce morceau de chair est bon, tout le corps alors est bon, est sain. Wa idha fasadat, fasad al jasadu kullu. Et si ce morceau de chair et donc, perverti, mauvais, tout le corps alors est mauvais. Ala wa hiya al-qalb, n'est-ce pas donc que ce morceau de chair est le cœur? Donc le cœur, comme j'ai dit, est l'équivalent du roi, donc dans son royaume. Donc pour pouvoir, inshallah, corriger notre corps, nos mains, nos yeux, notre langue, nos parties intimes, etc., pouvoir appliquer les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, il faut faire un effort sur notre cœur. Et nous disions donc que dans cette époque-là, le cœur est quasiment complètement délaissé. D'abord par les mécréants, car ils ne croient pas réellement, puisque cela relève de l'invisible, à la notion donc du qalb, comme nous, nous le comprenons dans le shara. Car quand nous parlons du qalb ici, nous ne parlons pas du morceau de chair simplement qui est présent. Parlons pas nous de le développer anatomiquement pour qu'il ait une bonne circulation sanguine, etc. Non. Nous parlons de ce morceau de chair, mais de ce qui va avec, donc qui est une subtilité, comme certains l'ont défini dans leur livre de Tazkiyah, qui est une subtilité donc donnée par Allah subhanahu wa ta'ala en lien avec cet organe-là. Et qui permet de donner l'amour, la haine, le tawakkul, etc. Tout comme la mémoire est liée au cerveau. La mémoire n'est pas palpable, mais c'est quelque chose de subtil lié à l'organe qui est le cerveau, Allah a'lam. Donc aujourd'hui, cette chose-là est quasiment délaissée. Donc on a une apparition du mizan de l'apparence, du jugement de l'apparence, même dans notre din. Et ça, on le voit, c'est palpable. Et donc, on va avoir un travail individuel, parfois même communautaire, au niveau donc de l'apparence extérieure. Et cette apparence extérieure, elle est importante. mais il faut qu'elle prenne source réellement dans le cœur, car si elle ne prend pas source dans le cœur, elle est fragile. Pour ça qu'on voit des choses aujourd'hui qui n'existaient pas au temps d'eux, quasiment des sahaba radiallahu. La ridda par exemple, l'apostasie. C'était des choses qui étaient très rares au temps du prophète alayhi salatu wasalam. Ça existait, des gens qui ont cru au prophète alayhi salatu wasalam, qui ont apostasié. Il y en a eu, il y en a même qui ont apostasié et sont revenus après l'islam et sont morts compagnons radiallahu anhu. Mais ce qu'on appelle l'intikas, retourner sur ses talons, la chute entre guillemets, la personne disparaît, on ne la voit plus. Il venait à la mosquée tous les jours au premier rang, Allahumma barik, la barbe, etc., le dhikr, tilawat al-Qur'an, un jour plus rien. Et ça c'est des choses, si c'était rare, c'est rare, ça existe à toute époque. Aujourd'hui ce n'est pas rare. Aujourd'hui, quand on observe le public d'une mosquée, d'une décennie à l'autre, le public change en très grosse proportion. Très grosse proportion. C'est-à-dire, si nos imams, par exemple, ils font environ, on a des mandats de 5 ans. Ben, les imams, s'ils devaient se décrire les uns les autres, les gens qu'ils avaient dans les rangs, à part les vieux, dans les jeunes, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'allers-retours. Beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, on travaille pas beaucoup ça, a'mal al-quloub. Parce que celui qui va aimer Allah Azza wa Jal réellement, qui va travailler cet amour avec sidq, et qui va le travailler, et quand il va le travailler, ça va être la mujahada. C'est-à-dire, il va arriver, comme on va le voir, dans des zones où il va falloir qu'il égorge ses passions pour prouver à Allah qu'il aime tellement. Et là, Allah va le faire grimper d'une marche d'un degré. Il va lui donner une aisance dans ce pourquoi il avait un certain désagrément avant. Et il va évoluer et monter les marches vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque l'on va travailler cela réellement, l'intikas, la chute, retourner sur ses talons, sans parler de la ridda, va être moindre, inshallah, dans la Ummah. Et les sahaba, radiallahu anhum, pourquoi ils ont eu cette période mekwaz, dans laquelle le Coran descendait avec des versets parlant de la ruboubiya d'Allah, de sa seigneurie. Nombreux sont les versets parlant d'Allah, de ses qualités. De ses qualités, de ses attributs, de l'enfer, du paradis. Toutes ces choses-là qui viennent ancrer dans le cœur l'amour d'Allah, la crainte d'Allah. Et ces choses-là, lorsque les ordres et les interdits sont descendus à Médine, de pratiquer avec facilité le dîn. Comme dit Anas, il dit, j'étais serviteur dans la maison d'Abu Talha, il servait le vin. Et lorsque le verset Surat al-Ma'idah est descendu, concernant l'interdiction du vin, il dit, celui qui avait un verre dans la main l'a jeté, celui qui avait du vin dans la bouche l'a craché, celui qui en avait dans l'estomac l'a vomi. Hein? Aujourd'hui, on a des musulmans, ils n'arrivent pas à arrêter. Le hadith est authentique, il le lit, il n'arrive pas. Il y a des jeunes, il a une copine, haram, il n'arrive pas. Faire pousser la barbe, il n'arrive pas. Mettre le jilbab, elle n'arrive pas. Mettre le hijab, elle n'arrive pas. Pas répondre à son mari, elle n'arrive pas. Pas répondre aux parents, elle n'arrive pas. Parce que le cœur ne comporte pas ce niveau d'amour, de taqwa, de khawf, de tawakkul, de a'mal quloub, qui va donner un contrôle au corps. Et qui fait que l'organe va obéir au roi. Mais le roi est couché et les soldats sont dans l'anarchie totale dans le royaume. Donc les mains font ce qu'elles veulent, les yeux font ce qu'ils veulent, les pieds font ce qu'ils veulent. Et les lois sont connues. Ce n'est pas par ignorance qu'il y a anarchie dans le corps. La main sait qu'il ne faut pas faire ce haram-là, l'œil sait qu'il ne faut pas faire ce haram, mais puisque le roi est fatigué, malade, il n'arrive pas à donner des ordres qui sont respectés par les organes, les soldats, donc c'est l'anarchie totale. Donc après c'est les péchés, les cumuls de péchés, jusqu'à ce que la personne chute de manière totale. Alors que quand le cœur est travaillé, comme le prophète alayhi salatu wassalam, et même Allah azza wa jal bien avant, en descendant des versets spécifiques dans le Coran, à travailler le cœur des sahaba qui ont été ensuite inébranlables lorsque sont arrivées les fitaines, hein, les tentations, etc. Et lorsque sont arrivés les ordres d'Allah et les interdits, ils avaient comme expression « Sami'na wa ata'na ». Nous avons entendu et nous avons obéi, alors que certains ont eu les expressions dans les communautés précédentes « Sami'na wa asayna ». Nous avons entendu et nous avons désobéi. Donc à chacun de nous de voir face aux ordres d'Allah et aux interdits, qu'est-ce que nous avons? Sami'na wa ta'na ou bien sami'na wa asayna. Donc l'intérieur est quelque chose d'important. Et ces choses-là, aujourd'hui, c'est vrai. Dans la société où on vit, quelqu'un de bon ne va pas percer par sa bonté. Ou quelqu'un de généreux ne va pas percer et obtenir une haute position sociale grâce à sa générosité, sa bonté, sa modestie. Même ces qualités-là sont même aujourd'hui dangereuses. La modestie, dans un système capitaliste, c'est dangereux. Être au service des gens, être bon, généreux, sincère, véridique, toutes ces choses-là font que tu ne grimperas pas dans ce système-là. Que ce soit dans le politique, il faut être un menteur, un escroc, un orgueilleux, vaniteux, pour pouvoir percer. Pareil pour arriver PDG et être tout en haut, il va falloir un moment ou un autre, sauf exception, enfreindre les règles de la véracité, de la sincérité, etc. pour pouvoir percer. Dans le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Son contraire avec ces qualités-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous faire évoluer, inshallah. Donc on est dans cette problématique-là. On vit dans un monde où autour de nous, on nous appelle pour pouvoir être reconnus à avoir des valeurs qui vont à l'encontre du dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah azza wa jalla, lui, nous appelle à développer ces qualités qui sont des qualités qui paieront cher, bi-idhnillah, dans l'au-delà. Donc la prise au sérieux du cœur est extrêmement importante. C'est quelque chose, bi-idhnillah, sur lequel on doit se concentrer. Donc nous allons commencer, inshallah, aujourd'hui par traiter, bi-hawlillahi azza wa jal, une première notion, qui est la notion de ikhlas et de mutaba, la sincérité et le suivi, si l'expression est juste, du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. La sincérité et la conformité à la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Et ces deux notions-là, comme vous savez, c'est une règle qu'on répète très souvent, c'est une base fondamentale dans notre religion, ces deux notions-là sont les deux conditions d'acceptation de l'acte. Les deux conditions de l'acceptation de l'acte. L'acte n'est accepté que s'il est fait sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième chose, que s'il est conforme à la sunna du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Donc commençons par le premier point qui est l'ikhlas. Qu'est-ce que l'ikhlas? L'ikhlas dans la langue arabe. L'ikhlas, c'est utilisé même en dehors du fait de parler de l'intention, en dehors de la religion. Le mot ikhlas existait chez les bédouins arabes avant la venue du prophète alayhi salatu wa sallam. Qu'est-ce que l'ikhlas? L'ikhlas, c'est la purification. C'est la purification. Et nous, l'ikhlas, là, dans le sens que l'on va étudier, c'est la purification de l'intention de toutes les interférences impuretés qui peuvent intervenir. Donc, c'est le fait de nettoyer. L'ikhlas, c'est le fait d'enlever des choses. Qu'est-ce que l'on va enlever, nous, dans le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala? Car quand je mets une intention, tous, plus ou moins, au début, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais viennent ensuite s'ajouter d'autres choses. Qui va être, par exemple, vouloir avoir les éloges de quelqu'un. Ou parfois, ça va être obtenir de l'argent, obtenir une position sociale ou autre. Et ces choses-là, l'ikhlas demande qu'elles soient rejetées, évacuées. Tout comme l'on enlève les impuretés, par exemple, d'un miel. Lorsqu'un miel est dans une cuve et qu'il y a eu de la poussière ou quelque chose, on va l'épurer. Ou bien on va épurer du lait en enlevant des impuretés. Et bien on va épurer notre intention en enlevant aussi des impuretés. Et les fondements dans le Coran et la sunna de la notion d'ikhlas sont des versets que vous connaissez très bien. Dans surat al-Bayyinah, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ. Et il ne leur a été ordonné que seulement d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlisina lahu ad-din, en ayant de la sincérité dans leur religion. Et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam aussi, il y a des hadiths. Dans le Coran toujours, Allah subhanahu wa ta'ala dit: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Celui qui espère la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il fasse des actes pieux. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Que veut dire ici pieux? Un amal salih, en vérité, comporte ces deux critères-là. Il comporte la sincérité et il comporte aussi la conformité à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada, et qu'il n'associe à l'adoration de son Seigneur aucune chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le verset 2 de sourate al-mulk, la royauté: alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver lesquels d'entre vous vont faire les meilleurs actes. Ahsanu amala. Wal'amalu al-hasan, c'est celui qui comporte la sincérité et la conformité à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Al-Fudail ibn Iyad, qui était un grand savant, notamment dans la tazkiyah rahmatullahi alayhi, un des grands pieux, wallahu a'lam, de cette ummah, nahsibu ar-rajul hakadha wa la nuzaki ala Allahi ahada wallahu hasibu, il a dit donc al-amalu al-ahsanu amala, dans le sens de ce verset de surat al-mulk, il a dit huwa akhlasu, donc c'est celui qui est le plus pur, wa aswabu, et qui est le plus conforme. Fa innal amala idha kana khalisa wa lam yakun sawaban lam yuqbal, car l'acte lorsqu'il est sincère mais il n'est pas conforme à la sunna n'est pas accepté. Wa idha kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, et lorsqu'il est conforme à la sunna et qu'il n'est pas sincère, il n'est pas accepté. Et ça, en vérité, Al-Fudail ibn Iyad dit ça dans le sens du détail, mais en réalité le sawab, la conformité à la sunna, comme disent certains savants, en vérité implique la sincérité. Car la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, le prophète sallallahu alayhi wassalam, dans tous ses actes était sincère. Donc être conforme au prophète alayhi salatu wassalam en réalité implique, sous-entend la sincérité, car le prophète était sincère dans tous ses actes. Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi: wa man ahsanu deenan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Et quelle meilleure religion que celui qui a soumis son visage à Allah en étant muhsin. Muhsin, c'est souvent traduit par bienfaiteur. Mais ici, que veut dire al-islam? Islamul wajh, la soumission du visage, c'est al-ikhlas, la sincérité. Et al-ihsan, en étant muhsin, c'est-à-dire en étant dans mutaba'atu sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire en étant dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc comme nous avons dit, al-ikhlas, en arabe on dit, c'est tajridu qasdi taqarrub ila Allah azza wa jalla. وقيل هو افراد الله عز وجل بالقصد في الطاعات. Donc c'est, on reprend l'expression du dars de tout à l'heure, l'unicisation d'Allah dans ma niya. Allah, il est unique lui. Et moi dans ma niya, le fait de rechercher l'unicité d'Allah dans ma niya, dans mon intention d'évacuer tout ce qui n'est, qui vient interférer par rapport à la sincérité, et à la fin de ne garder qu'Allah comme objectif. Ceci, c'est l'ikhlas. Ceci est l'ikhlas. Et certains savants, certains pieux disaient, c'est oublier la vision de la création en ayant la vision vers Allah subhanahu wa ta'ala de manière permanente. Donc c'est oublier autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans son acte en ayant un regard toujours projeté vers Allah subhanahu wa ta'ala. Un homme, selon Abu Umama radiyallahu an, donc un compagnon radiyallahu anhu, a dit: Ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qala: Ara'ayta rajulan ghaza yaltamisu al-ajra wadh-dhikr ma lah? Fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: La shay'a lah. Fa a'adaha thalath marrat wa yaqulu rasulullah صلى الله عليه وسلم لا شيء له، ثم قال إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. Donc Abu Umama radiallahu anhu dit qu'un homme est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le hadith demande concentration et de méditer ces différents versets et ces différents hadiths que nous allons entendre. Comme nous avons dit, l'ikhlas ne suffit pas. C'est-à-dire s'asseoir pour Allah dans le cercle, c'est bien. Mais avec sidq, ça demande en plus de se concentrer et de méditer sur les versets, sur les hadiths, et de se demander des comptes par rapport à ce que l'on entend, en vue, inshallah, d'atteindre ce qui est, inshallah, demandé par ces textes-là. Donc un homme est venu au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit, « Vois-tu un homme donc qui part en bataille et recherchant la récompense, donc la récompense auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et aussi d'être évoqué par les gens, donc d'être célèbre. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu « La shay'a lah » « Il n'a rien » Donc la personne a répété trois fois la même question. Et le prophète alayhi salatu wa sallam à chaque fois lui disait « Il n'a rien, aucune récompense » Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, donc il lui a donné la règle générale « Allah azza wa jal n'accepte des actes que ce qui a été pur, donc « khalis » sincère, et par lesquels nous avons recherché son visage. Et par lesquels son visage a été recherché. Le hadith est rapporté par An-Nasa'i. Et Cheikh Albani l'a rendu bon. Selon Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, annahu qala fi hajjati al-wada' naddara Allahu mara'an sami'a maqalati fawa'aha farubba hamil fiqhin laysa bifaqih. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن إخلاص العمل لله والمناصحة لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Selon Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au pèlerinage d'adieu qu'Allah illumine le visage de quelqu'un, qu'Allah illumine, rende lumineux quelqu'un qui a entendu ma parole et l'a transmise. Car il y a beaucoup de personnes qui portent du fiqh dans des textes, mais qui ne sont pas faqih, qui ne sont pas des gens de compréhension. Puis le prophète, alayhi salatu wa sallam, a cité trois notions. Il a dit trois choses. Le cœur du musulman se corrige par ces trois choses. Et donc, n'obtient pas des maladies comme la trahison, le mal, etc. Quelles sont ces trois choses? Ikhlasul amali lillah. C'est-à-dire être sincère dans ses actes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le conseil des gouverneurs musulmans, waluzum jama'atihim, est resté dans le groupe des musulmans. Le hadith est rapporté par At-Tirmidhi. Donc que veut dire ce hadith-là? Ça veut dire que celui qui a ces trois choses-là, son cœur se purifie et se corrige. Et celui qui les a comme caractère, son cœur sera purifié de toutes ces mauvaises choses qui sont al-khiyana, wa-shar, le mal, la trahison, al-hiqd, etc. Et al-ikhlas, mes chers frères et mes chères sœurs, c'est aussi une protection contre Iblis. Et les gens sont sur lesquels Iblis, Shaitan, n'a aucun pouvoir, sont al-mukhlisin, sont les sincères. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Illa ibadaka minhumul mukhlasin » et aussi rapporté « Al-mukhlisin » dans surat Sad. Al-mukhlas, c'est celui que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour lui. Al-mukhlis, c'est celui qui a choisi Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Donc al-mukhlis, c'est le serviteur qui a choisi Allah subhanahu wa ta'ala comme objectif. Et al-mukhlas, c'est celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sélectionné. Et donc, qu'est-ce qui va venir polluer l'intention du serviteur, qui va venir faire interférence dans l'ikhlas? Les choses sont très nombreuses. Mais à la tête de ces choses-là, il y a d'abord souvent des choses que l'âme va rechercher. Et parmi les choses principales aujourd'hui, c'est souvent le regard des autres. C'est le regard des autres. On appelle ça riya, l'ostentation. Agir pour Allah subhanahu wa ta'ala à la base, mais en recherchant les autres. Et ça, c'est quelque chose, subhanallah, que combattaient les pieux prédécesseurs. Ils faisaient très attention à cela. Ils essayaient de protéger leurs œuvres au maximum. Car ils connaissaient les dangers des éloges des gens. D'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit à un homme qui avait fait les éloges à quelqu'un d'autre en face de lui, il lui a dit, tu as qata'ta 'unuqa akhik. Tu as tranché la gorge de ton frère. Car les éloges sont quelque chose d'extrêmement dangereux. Et celui qui recherche les éloges à travers ses actes, parfois sa tenue vestimentaire, parfois sa lecture du Coran, une sadaqa ou autre, quelque action que ce soit, et là nous sommes dans la période du Hajj, et qu'Allah nous fasse miséricorde, que sont nombreux les gens qui partent là-bas pour aller chercher le titre de Al-Hajj ou bien Al-Hajja. Et celui qui part avec cela, qu'il pleure sur lui-même en réalité, notamment si c'est son objectif, primaire, qu'il sache que son hajj est batil. Celui qui revient et qui se met en colère lorsque les gens ne l'appellent pas al-hajj ou bien al-hajja et qu'il se vexe par rapport à cela, qu'il ait peur pour sa sincérité, et ceci démontre en réalité, wallahu a'lam, qu'il est parti pour acquérir ce titre et non pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'éloge des gens, aussi acquérir un poste, faire des actes pour pouvoir acquérir un poste. Et ça se remarque lorsque j'ai un changement d'état. Et les premiers faisaient attention à cela et contrôlaient leur cœur par cela. Ils jugeaient leur acte, est-ce qu'il était pour Allah ou pas, lorsqu'ils voyaient que le cœur changer lorsqu'il y avait justement perte de cet acte ou pas. Par exemple, il est rapporté donc un homme pieux faisait souvent la salate au premier rang. C'était quelqu'un qui était très souvent dans le premier rang. Et un jour, il est arrivé en retard et il n'a pas été dans le premier rang et a fait la prière derrière. Et les gens avaient pris pour habitude que cette personne-là fasse toujours la prière dans le premier rang. Et à la fin de la prière, lorsqu'il finit sa prière, il ressentit le regard des gens et il ressentit dans son cœur qu'en réalité, le regard des gens l'avait touché. Et que cette constance dont il faisait preuve, en étant souvent dans le premier rang, en réalité, une part de vouloir être reconnu par les gens comme étant un prieur du premier rang avait pris place dans son cœur. Et les peu prédécesseurs faisaient attention à cela. Et on a un très bel exemple Omar radiallahu anhu, qui, comme vous savez, avait l'habitude de faire un tour dans Médine avant lui d'aller dormir, comme c'était le cas de ce gouverneur pieux radiallahu anhu wa arda, qui a été à la hauteur de la responsabilité qu'Allah lui a donnée et qui avait compris le verset qui, avant d'ordonner au peuple d'obéir au gouverneur, ordonne au gouverneur d'être juste, qui dit Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil-'adl. Allah vous ordonne que vous restituiez le dépôt et que lorsque vous commandez, vous jugez entre les gens, que vous jugiez avec justice. Et Omar avait compris cela, avait compris cette très très grande responsabilité qu'il avait. Il avait sous sa responsabilité une umma, une communauté. Et d'ailleurs, il ne voulait pas lui, al-imara. Les gens, la plupart des gens qui ont été à la hauteur de cette mission-là étaient des gens qui ne la voulaient pas et qui craignaient cela. Omar ibn Abdelaziz, comme il est rapporté par un de ses contemporains, il dit, je l'ai vu avant qu'il ne devienne émir. Omar ibn Abdelaziz a été donc émir pendant 2 ans et quelques mois. Un âge jeune, à peine à la trentaine, il dit, je l'ai vu faire le tawaf. Je l'ai vu faire le tawaf Donc autour de la Kaaba, un de ses contemporains dit, j'ai vu Omar ibn Abd al-Aziz faire le tawaf alors que je voyais les plis de la graisse. Donc au niveau de sa ceinture, au niveau de son torse, je voyais les plis de graisse. Et il dit, je l'ai vu ensuite, après l'Imara, faire le tawaf et je voyais les traces de ses côtes au niveau de son torse. Tellement il était soucieux de pouvoir être à la hauteur de cette amen. Omar ibn al-Khattab donc faisait un tour le soir pour voir est-ce que les gens, hein, est-ce que son village, les gens sont satisfaits, est-ce qu'il y a un besoin ou autre. Et il est arrivé devant une femme qui était avec donc des enfants, donc des orphelins qui avaient perdu leur père. El yatim, fil arabia, c'est celui qui a perdu son père. Et dans l'autre, autre que l'être humain, dans les animaux, el yatim, faqidul um, celui qui a perdu sa mère. Femelle, c'est un yatim dans les animaux. Et dans l'être humain, el yatim, faqidul ab. Wal latim, celui qui a perdu son père et sa mère. Omar a donc trouvé cette femme-là qui avait allumé du feu, mis un chaudron, de l'eau, et ses enfants étaient en train de pleurer. Et il était avec une autre personne. Il était avec une autre personne. Et il est arrivé, il a dit à cette femme, que fais-tu? Et elle ne savait pas que c'était Omar, radiyallahu anhu, et c'était la nuit, elle ne savait pas que c'était Omar. Elle a dit, j'ai mis des pierres donc à bouillir et je fais croire à mes enfants que je vais leur préparer à manger. Ils sont en train de pleurer. J'attends en réalité qu'ils dorment car je n'ai rien à leur donner. Et elle a dit, je serai barrière yawm al-qiyama entre Omar et Allah subhanahu wa ta'ala. Yawm al-qiyama, je dirai à Allah ce que fait Omar par rapport à son peuple, que j'ai des orphelins qui ne mangent pas leur faim. Puis Omar a entendu ça, il est parti en courant chez lui avec cet homme-là. Et ils ont pris des légumes. Et il a pris un sac et il est venu en courant. Et pendant, dans le chemin, celui qui était avec Omar, il a dit, Amir Mouminin, donne-moi que je porte le sac de légumes. Il a dit, A anta hamilun, wizri yawm al-qiyama, est-ce que tu porteras donc mes péchés yawm al-qiyama? Et Omar a gardé sur son épaule le sac. Et lorsqu'il est arrivé, il a épluché les légumes, etc. Et il a fait donc un plat pour la femme. Et la femme, donc, à manger avec ses enfants. Puis ses enfants se sont mis à rire, etc. Et ils ont dormi. Et elle a dit, si seulement toi, tu étais Amir al-Mu'minin à la place de Omar. Et à ce moment-là, Omar, il n'a rien dit. Et il est reparti tout de suite. Il a voulu protéger donc cet acte-là. Il n'a pas dit, je suis commandant des croyants ou autre. Et ça, c'était d'Abu Salaf, c'était la voie des pieux prédécesseurs de protéger leurs actes. Car le cœur est quelque chose d'extrêmement sensible. Ta niya, juste un peu, elle peut dévier. Et à ce moment-là, tu perds ton acte. Et à ce moment-là, tu perds donc ta récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et al-ikhlas, comme on dit certains, Ya'qub, rahimahullah, dit al-mukhlis. Donc ça, ce sont des gens pieux, etc. On ne les présente pas tous. قال يعقوب المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. Le mukhlis, c'est celui qui cache ses bonnes actions comme il cache ses mauvaises actions. وقال السوسي رحمه الله الإخلاص فقد رؤية الإخلاص. الإخلاص, c'est perdre de vue l'إخلاص. فإن من شهد في إخلاصه الإخلاص فَقَدْ اِحْتَاجَ إِخْلَاسُهُ إِلَىٰ إِخْلَاسٍ. Al-Ikhlas, il dit ce cheikh, c'est la perte, perdre de vue l'Ikhlas. Car celui qui voit dans son Ikhlas, qui voit en lui du Ikhlas, en réalité sa sincérité a besoin de sincérité. Ce n'est pas une sincérité absolue. Donc Al-Ikhlas, c'est quelque chose qui est délaissé, qui est en épargne pour Yawm al-Qiyam. Et celui qui pense être mukhlis, et ça on l'entend souvent, non mais moi je donne pour Allah, il donne dans les mariages à voix haute comme ça. Ça on entend, ça fait partie de ces munkar qui existent aujourd'hui dans les mariages. Bon, c'est un munkar parmi les milliers de munkar qui existent dans les mariages, hélas, des musulmans aujourd'hui. Cette forme de sadaqa où on sait très bien que les gens ils donnent des sadaqa à voix haute, les noms sont notés, Et c'est des sadaqas où il faudra que tu fasses sadaqa la prochaine fois dans mon mariage. Et beaucoup de gens, et ça moi je l'ai entendu de mes oreilles, ils font sadaqa parce que il a reçu une sadaqa lui au mariage de sa fille. Par exemple, donc il va au mariage, il dit « Chouma, je vais pas aller et je vais pas donner alors que lui il m'a donné la dernière fois. » Pas de récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car le point de départ, la naissance de sa sadaqa, c'est pour la personne et non pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien c'est pour Allah, mais avec la créature, wal'iyadu billah. Donc, l'ikhlas, il est perdu de vue par les vrais mukhlisin. Même, en réalité, ceux qui sont réellement sincères, tellement ils sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, tellement ils sont connaisseurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et de leurs maux, M-A-U-X, de leurs maladies et de leurs défauts, subhanallah, qui voient justement presque que leur acte n'est pas accepté. Il est presque sûr qu'il n'a pas fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tellement il zoome les maladies de son cœur, hein, et qu'il passe vraiment... Il scanne cette niya-là, qu'il va toujours trouver un petit quelque chose. Mais celui qui est loin d'Allah, qui ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne connaît pas de manière complète Allah subhanahu wa ta'ala, il ne se connaît pas lui-même. Il ne sait pas qu'il est quelqu'un de faible et qu'une intention peut rapidement pénétrer dans son cœur et venir perturber sa sincérité. Il se prend pour quelqu'un de sincère. Il dit, non, moi je suis sincère. Comme ces gens qui donnent des sadaqas à voix haute, alors que donner une sadaqa jaharan, c'est permis à la base. Mais avec une confiance totale et absolue en eux-mêmes. Et parfois, ils disent même, moi j'ai fait pour Allah. Par exemple, il a fait un acte et il le dit. Tu dis, ah, ça aurait été mieux que tu le laisses. Faut pas le dire. Non, mais moi j'ai fait pour Allah. Ah, ben, si tu dis ça, c'est que t'as pas fait pour Allah. Vraiment, t'avais fait pour Allah. Allahu a'lam. Tu te tairais, tu te cacherais, t'aurais peur, tu voudrais protéger cet acte-là. Qala Ayyub. تخليص النيات على العمال أشد عليه من جميع الأعمال. Purifier les intentions, notre savant a dit, purifier les intentions pour les acteurs, c'est plus difficile pour eux que tout le reste des actes. Et c'est vrai. Ce qu'il y a de plus dur et de plus facile, c'est l'intention. Ce qu'il y a de plus facile, c'est mettre l'intention. Même dans la prière qui est le pilier le plus important après la shahada, tout peut tomber sauf l'intention. Qira'at al-Fatiha, pour le muet, il ne la lit pas. Pour celui qui ne peut pas la lire ponctuellement, une perte de voix, il ne va pas la lire. Celui qui ne peut pas faire le ruku', celui qui ne peut pas faire le sujoud, celui qui ne peut pas... Mais la niya, qui ne peut pas mettre une niya, c'est celui qui est marfou' al-qalam. Soit il est mort, soit il est fou, ou bien c'est l'enfant qui n'est pas moumeyyize, il ne met pas de niya dans ses actes. Mais la niya ne peut jamais la tasqutu anil mukallaf. La niya toujours elle relève de la responsabilité de l'acteur. Donc c'est ce qu'il y a de plus facile à mettre en place. Mais c'est ce qu'il y a aussi de plus difficile au niveau du ikhlas. Ce qu'il y a de plus difficile au niveau du ikhlas. Wa qala ba'duhum, certains ont dit ikhlas sa'ati najat al abad. ولكن الإخلاص عزيز. La sincérité d'un moment, c'est le salut pour l'éternité. Mais l'ikhlas est quelque chose de difficile. C'est quelque chose, na'am, qui est difficile. Et Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu avait une parole proche de cela. Il dit, لو علمت أن الله قبل مني سجدة واحدة لَتَّكَلْتُ لِأَنَّهُ يَقُولُ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Si je savais qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté de moi ne serait-ce qu'une prosternation, je me reposerai donc. C'est-à-dire, je ferai confiance à cet acte-là qui a été accepté, car Allah dit, Allah n'accepte que des pieux. وَقِيلَ لِسَهْل. On a demandé à Sahl, rahimahullah, أَيُّ شَيْءٍ أَشَدُّ عَلَى النَّفْسِ. Qu'est-ce qui est le plus dur pour l'âme? Qala al-ikhlas, il a dit, c'est la sincérité, al-ikhlas. Idh laysa laha fihi nasib, car elle n'a pas de part dedans. Elle n'a pas de part dans l'ikhlas. C'est-à-dire, quand il y a une réelle sincérité, eh ben, justement, la sincérité, c'est que cette nefs-là, cette âme-là, n'est pas, ne serait-ce qu'un faible pourcentage dans cet acte-là. de satisfaction, par exemple. Je suis content, j'ai fait 2 barakat. Ou bien j'ai fini de lire mon hizb. Au moment où je ferme le mushaf, j'éprouve un petit peu de fierté. Alhamdoulilah, j'ai lu. Hein, j'ai lu mon hizb. Etc. Non, à ce moment-là, je dois m'effacer de manière totale. J'ai lu pour Allah, qui m'a permis de lire Allah, subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, observer son cœur pour que ne pénètre rien d'autre. Et c'est pour ça que ce cheikh l'a dit, que ce qu'il y a de plus dur sur l'âme, c'est l'ikhlas, car il n'y a pas de part dedans. Il n'y a pas de part. Que ce soit en autosatisfaction, ou bien l'éloge d'autres, l'éloge d'autrui, ou toute autre part que la nefs, l'âme aimerait avoir. Et la récompense de la niyyah, du ikhlas, bi-idhnillahi azza wa jal, il y en a beaucoup. D'abord les versets que nous avons cités, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ » Donc celui qui est sincère, il a donc obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala sera récompensé. Il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Et le hadith fondamental du prophète alayhi salatu wa salam, rapporté par Omar dans Sahih al-Bukhari, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ. Donc les actes ne valent que par les intentions, et chacun sera récompensé en fonction de ce qu'il aura eu l'intention de faire. Celui qui aura eu pour intention Allah Azza wa Jal, Inch'Allah sera récompensé bihaulillah comme il se doit. Celui qui a eu une autre intention, ben il n'aura, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, comme intention seulement ce pourquoi il avait fait son acte. Fal ikhlas, mes frères et mes sœurs, alayna inshallah bil mujahada. Comme nous avons dit, le sidq, c'est quoi? Donc c'est se mettre en route réellement là-dedans. Donc des gens parfois te disent, je crois que j'ai fait pour autre qu'Allah. Je crois que j'ai pas fait pour Allah, j'ai fait pour les gens, j'ai fait mes 2 rak'at pour les gens, j'ai embelli ma prière pour les gens. Que cette chose-là arrive au cœur, ça c'est normal parce que Shaitan est là. Yuwaswisu. Shaitan insuffle et il fait un effort pour faire dévier notre intention et notre âme aussi à ces penchants-là. Mais c'est ensuite traduire par l'acte qui est répréhensible. Mais la vision de ces choses-là, la vision du manque de ikhlas, c'est normal. Un tabi'i dit « لَقَدْ أَدْرَكْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كُلَّهُمْ يَخْشَ عَلَى نَفْسِهِ النِّفَاقِ » J'ai rencontré 70 des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, craignant tous pour leur propre personne l'hypocrisie. Donc les gens avaient peur pour eux du manque de sincérité et ne voyaient pas en eux le degré de... Hein, de complétude et de... Mais c'était des gens qui toujours se remettaient en cause. Nous aussi, il nous arrive donc dans notre cœur d'avoir ce type de choses. Donc il faut le combattre. Il faut combattre et il faut repousser. Et ça, c'est un effort que l'on fait tout au long de notre acte, du début à la fin. Dans la prière, par exemple, c'est du takbir jusqu'au salam que je combats ça. Parfois, quelqu'un entre dans la mosquée, à ce moment-là, je sens que mon cœur commence à dévier d'un petit pourcentage. À ce moment-là, je combats. À ce moment-là, je renouvelle mon intention et j'essaie de la purifier, d'éjecter, d'effacer cette impureté qui est venue pénétrer mon cœur et inshallah de purifier. Et c'est ça l'ikhlas. L'ikhlas, c'est enlever quelque chose, c'est enlever une impureté. Et donc là, c'est enlever les mauvaises intentions pour garder une intention pure et sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est dans des choses plus subtiles aussi. C'est pas que la prière, ça c'est l'exemple connu. Mais il y a de tout. L'ikhlas, même la barbe. Et même le Ghazali dans l'Ihya cite que parmi des choses makruh, c'est de se regarder dans la vitre avec i'jab, se regarder dans le miroir. Il est content, il a une longue barbe. Il se regarde, il a une longue barbe, une barbe de savant, de pieux. Il se regarde avec. Puis ça va donner ensuite à des actes. Ça va donner naissance à une certaine, peut-être la personne a changé de démarche ou va se prendre pour quelqu'un. De même pour la tenue vestimentaire, quand je mets ma tenue vestimentaire, les sœurs qui s'habille extérieurement, mashallah, elle met le jilbab, Allahumma barik, ou le niqab ou autre, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas pour que les sœurs disent mashallah, là, elle a passé une étape, je rentre dans le groupe des jilbab. Non, ça c'est zéro aussi. C'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, seulement et uniquement. Parce que peut-être que je vais mettre ça, ça va être des critiques. Donc ça va être des critiques. Et qu'est-ce qui va faire que je vais être, inshallah, constante et que je vais persévérer, m'accrocher, me cramponner aux ordres d'Allah? C'est bi-idhnillah et ma sincérité. Donc je termine, inshallah, par le deuxième point que nous avons cité, la deuxième condition d'acceptation des œuvres, qui est mutaba'at sunnah. Et donc la base dans ce point-là, dans la sunnah, c'est le hadith de Aïcha, radiyallahu anha, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Donc ça c'est la version de Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayati al-Muslim: man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Celui qui invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, ceci est repoussé contre lui. Et dans la version de Muslim, donc ça c'est la version de Bukhari Muslim, et dans une version de Muslim, celui qui fait un acte que nous n'avons pas ordonné est repoussé contre lui. Donc ça c'est un hadith qui est un fondement. Et l'imam Shafi'i rahmatullah alayhi disait que la religion tournait autour de deux hadiths. Le hadith de Omar, innamal a'malu bin niyyat, et le hadith de Aisha, la man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Celui qui fait quelque chose dans notre religion que nous n'avons pas ordonné est repoussé. Pourquoi? Parce que la religion, c'est il y a l'intérieur et l'extérieur, les intentions et les actes extérieurs. Et l'acceptation donc est soumise, comme nous l'avons vu, à la sincérité qui est en lien avec l'intérieur et la conformité à la sunnah qui est en lien avec l'extérieur. Donc il faut être en conformité avec la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire pour nous l'obéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le messager d'Allah vous a donné, c'est-à-dire ordonné, prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, délaissez-le. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ça c'est un verset, je pense, وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ, que c'est un des grands médicaments de notre siècle, de notre ummah, qui est un des grands médicaments par rapport au manque de inqiyad, de soumission aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous demande, inshallah, de méditer. Qala ta'ala: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Enfin, je l'ai repris parce que j'avais fait l'idram du Dal dans le Dad. Ça s'est fait dans la riwaya de Warsh, que j'ai l'habitude de lire. Là, comme c'est Hafs, c'est Faqad Dalla, avec la qalqala du Dal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, ça c'est un verset azim, surat al-Ahzab 36, qui demande à méditer. Allah, un musulman, ce ne serait pas trop pour lui, un jour, dans le milieu de la nuit, de se lever, de prendre que ce verset, de s'asseoir devant le mushaf, de demander des comptes à son âme, et de voir si réellement il est, incha'Allah, dans ce verset-là. C'est un verset, hein, nous demandons des comptes à notre âme avant tout, mais hélas, l'observation de notre umma montre qu'il y a une très grosse lacune. Beaucoup de gens, lorsque le verset arrive devant eux, et le hadith, et que c'est en réalité comme si le prophète, alayhi salatu wassalam, yatashakkalu amamahum. C'est comme si le prophète, alayhi salatu wassalam, était formé devant eux et qu'il parlait. Et ces personnes-là délaissent l'ordre. Délaissent l'ordre avec un certain caractère hautain. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Allah dit: et il n'appartient pas à un croyant et une croyante lorsque Allah et son messager ont décrété un ordre d'avoir le choix de leur situation. Il n'appartient pas à un croyant et une croyante lorsque Allah et son messager ont décrété un ordre. Qui a décrété? Pas ton père, pas ta mère, pas ton mari, pas ta femme, pas le maire, pas le président, pas le ministre, pas le commissaire. Allah, celui pour lequel tu as dit « La ilaha, la ilaha », il n'y a pas de divinité. Haq, réel, illallah, sauf Allah. Pas de divinité digne d'être adorée, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma kana li mu'minin, il n'appartient pas à un croyant et une croyante. Regardez l'importance, il a même cité les croyantes. Alors que s'il avait dit simplement les croyantes entrent dedans. Car le prophète alayhi salatu wa salam a dit « Al nisa'u shaqa'iqur rijal » Les femmes sont les équivalents des femmes, sauf lorsqu'il y a un délil qui vient différencier la règle. Mais à la base, les femmes entrent dans les règles avec les hommes. Mais l'importance de la situation, de cette règle qui est en lien avec la aqidah, et là on prend d'ici un charte de la ilaha illallah. Un rukn, un pilier de la ilaha illallah qui est al-inqiyad. L'inqiyad tombe, le tawhid tombe, l'islam tombe et on tombe dans le kufr. Al-inqiyadu lillah. Il n'appartient pas à un croyant, une croyante. Lorsque Allah et son messager ont décrété un ordre d'avoir le choix de leur situation. Il n'y a plus de choix. Allah a dit obligatoire, je fais. Interdit, je délaisse. Mais hélas, nous voyons aujourd'hui, je ne parle pas de la personne qui fait le péché, mais en admettant que c'est un péché et que Allah l'a interdit. Il y a une différence entre celui-là qui, si c'est un grand péché, ben c'est un fasiq. Mais quelqu'un qui ne veut pas par istikbar, non, je veux pas. Pourquoi j'ai pas envie? Non, ça c'est une phrase, wal'iyazu billah. Ça c'est quelqu'un qui a pris ses hawa comme ilah, qui a pris ses passions comme divinité. Car lorsque l'ordre divin ou prophétique arrive, à ce moment-là, ses passions lui font réfuter le texte. Et il y a une différence entre celui qui dit non, j'accepte, Allah a rendu ça obligatoire, et qui ensuite transgresse, et celui qui je ne veux pas, parce que non, j'ai pas envie, cette chose-là n'est pas d'époque ou autre, wal'iyadu billah. Puis Allah a dit, ouais, mais celui qui désobéit à Allah et à son messager, c'est certes égaré un égarement évident. Et le signe de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce que tout le monde prétend, ben c'est le mutaba'a. Je rappelle qu'on est dans la deuxième condition d'acceptation des œuvres. La première, la sincérité. La deuxième, c'est suivre le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Tout le monde dit j'aime Allah. J'aime le prophète sallallahu alayhi wa salam. D'autres l'ont dit avant toi. Allah les a éprouvés par un verset de Surat Ali Imran. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dis, si vous aimez Allah, فَاتَّبِعُونِي. Suivez-moi. Dis, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Alors Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Donc l'amour d'Allah Azza wa Jal, hein, et ça c'est un asl dans la aqidah d'Ahl Sunnah wal Jama'a, l'interdépendance entre l'intérieur et l'extérieur. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala doit obligatoirement donner naissance à des actes. Celui qui n'a pas d'actes et prétend l'amour est menteur. La peur d'Allah subhanahu wa ta'ala doit obligatoirement donner naissance à des actes. Ces actes du cœur, amour, crainte, etc., sont-elles les racines d'un arbre? Des racines vivantes, existantes, donnent obligatoirement naissance à un tronc, des branches, feuilles, fruits, etc. Donc l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il est réel, Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous aimez Allah, fattabi'uni, suivez-moi. Celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala doit suivre le prophète alayhi salatu wa salam. Et celui qui ne le suit pas de manière totale et absolue, ne le prend pas comme modèle, ne le suit pas, ne peut pas prétendre aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui n'aime pas Allah azza wa jalla est kafir, n'est pas musulman. Al-Hassan al-Basri a dit, des gens ont prétendu l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah les a éprouvés par ce verset. Dis, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, parmi ses dernières khutbah, dans la khutbah de l'Irbad ibn Sariya, une khutbah dans le hadith rapporté par l'Irbad ibn Sariya, radiyallahu an, qui est une khutbah magnifique et très importante, qui est un grand conseil de notre prophète Mohammed alayhi salat wa salam. Le prophète alayhi salat wa salam a dit à la fin donc de sa khutbah, ou bien on donne le hadith carrément en entier, dans lequel Al-Irbad dit « Wa'adhana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maw'idhatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بالتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. Le prophète alayhi salatu wassalam, donc Al-Irbad, pardon, Ibn Sariya radiallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wassalam nous a fait un sermon dont les cœurs ont vibré et les yeux ont coulé de larmes. Nous avons dit, ô messager d'Allah, c'est comme si c'était le sermon de quelqu'un qui fait ses adieux. Fais-nous alors quelques conseils. Il a dit, je vous conseille d'écouter. Non, je vous conseille aussi qu'on bi taqwa Allah. Je vous conseille la crainte pieuse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sam'i wa ta'a, l'écoute, donc des gens, des gouverneurs qui ont le pouvoir, wa ta'a et l'obéissance, wa in ta'ammara alaykum 'abd, même si c'est un esclave, ta'ammara, c'est-à-dire qui prend le gouvernement, qui prend la gouvernance. Et celui qui vivra parmi vous verra de nombreuses discordes. Prenez donc alaykum bi sunnati, c'est-à-dire prenez ma sunna, prenez soin de ma sunna. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي عَفْوًا وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. Prenez soin donc de ma sunna, ma voix, et de celle des califes bien guidés, qui sont les quatre, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, radiallahu anhum, ajma'in. Et attention aux inventions, car toute invention est une innovation. Et ce hadith-là, donc il nous montre que les gens qui seront sauvés au moment où il y aura des fitaines, des divergences, ce sont les gens qui s'accrocheront à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Addu alayha bin nawajid » « Mordez avec vos molaires », d'autres ont dit « avec vos canines, wallahu a'lam ». Donc ça c'est la deuxième condition d'acceptation des œuvres. Et de même, il faut ici aussi, pour pouvoir atteindre cela, il faut une mujahada. Il faut une mujahada, faire une mujahada, de toujours être en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment? D'abord en apprenant. Car pour pouvoir avoir un amal sahih, il faut l'ilm. L'ilm. S'il n'y a pas de science, comment je peux savoir comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Donc sans science, je ne peux agir de manière conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'ilm suffit? Non. Ensuite, il faut l'amal. Il faut agir. Il faut agir. Tout comme a fait le prophète Muhammad alayhi salat wa salam. Et ceci va demander une mujahada. Car ceci, ensuite, va donner une conséquence qui va être souvent al-adha, subir des désagréments. Des désagréments, parfois par la langue des autres. Celui qui veut se cramponner à la sunna du prophète alayhi salat wa salam va souvent être soumis aux critiques. Et une implication directe d'un minhaj véritable, c'est l'épreuve. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Celui qui veut se cramponner à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam est soumis aux épreuves. Après, elles sont différentes. Ça peut pas obligatoirement des épreuves corporelles. Ça va être parfois des épreuves de la critique. Parfois, ça va être corporel. Parfois, ça va être financier ou autre. Et à ce moment-là, il faut s'armer de patience. Et tel est le conseil de Luqman à son fils lorsqu'il dit « Ya bunay aqimis salah »« Oh mon fils, pratique la prière »« Wa'mur bil ma'aruf wanha anil munkar » et ordonne le bien et interdit le mal « Wasbir ala ma asabak » et patiente par rapport à ce qui va t'atteindre, car il sait que c'est une règle. Celui qui s'accroche à la sunna du prophète alayhi salat wa salam sera soumis aux critiques. Et là la mujahada intervient. Là à ce moment-là, pour que la sunna et le véritable amour soient ancrés dans mon cœur, qu'Allah me fasse cadeau de ça, et qu'ensuite je deviens quelqu'un qui ne peut vivre sans la sunna du prophète alayhi salatu wa salam jusqu'au moindre détail, il faut faire la mujahid. Et parfois vivre à des moments ou dans certains endroits un désagrément, puis Allah subhanahu wa ta'ala me donnera inshallah victoire et me donnera bi'idhnillahi azza wa jalla après cet effort-là, inshallah le confort. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Certes, avec la difficulté, il y a la facilité. Avec la difficulté, il y a la facilité. Et comme on dit, beaucoup de mufassirines ici, le premier, inna ma'al usri, donc il y a avec la difficulté, mu'arraf, donc défini, yusra, de la facilité, nakira. Inna ma'al usri, mu'arraf, ma'rifa, il y a avec la difficulté, qui est la même que le verset d'au-dessus, yusra, de la facilité, qui est nakira, indéfini, qui n'est pas celle du premier verset. Donc, il y a, beaucoup de savants disent, ma'a usratin wahida yusra yan, wallahu a'lam. Il y a deux facilités pour une difficulté, et ceci fait partie de la rahma d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de sa générosité. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.